Bonsoir à Réseau sur Internet, bonsoir aux deux câbles au standard. Bonsoir Gérard. Donc, Olivier, ouais, toi... Devant son micro, approche-le, s'il te plaît. On va pas reprendre comme l'année dernière, je pense que celle-ci, t'as compris. Donc, bonsoir Olivier Tapro. Donc, on va accueillir Crevette, 21 ans... Non, Crevette. Non, Crevette. Non, mais dis Crevette, moi. Hein. Oh, c'est, ça commence comment, là? Non, parce qu'il y a un crevette et un cuvette. Non, mais faut pas qu'on confonde tentacule et encule ta sœur. Ok? Non. On commence pas comme ça. Ok? D'accord. Autant pour moi, Gérard, je suis désolé. Bonsoir, Gérard, je suis là, c'est crevette. Non, mais attends, pour l'instant, je parle à qui, là? À crevette. Donc, crevette, 21 ans de Rouen, on peut écouter Fun Radio sur 90.5. Exactement. C'est bizarre parce qu'à Rouen, on m'a dit qu'il n'y avait pas de fréquence. Ah ben c'est tout nouveau. Ça va revenir, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une fréquence pirate. Ok. Grosse caisse, 22 ouais. ans de Nantes, 90.5. Ouais, salut. Salut. Ça qu'est-ce que ça peut te foutre? Bon, c'est parce que je t'aime bien, c'est tout. Ah, pour une fois qu'il est sympa, c'est vraiment dégueulasse avec les gens. Genre, ouais, hein. Tu perds de la popularité au niveau... Donc, point d'interrogation, je pense qu'on va l'avoir dans peu de temps. Donc, apparemment, non, elle veut pas répondre. Donc, Tétard. Ouais, salut à toi, GG, content de te revoir. La bourboule. Ouais, la bourboule. Sur 104, sur 104. Et demi. Non, sur 104. Ah bon, excuse-moi, je suis un peu en avant. Ouais, t'es, d'accord. Je pense qu'à mon avis, on va s'amuser là ce soir. Content de te revoir, GG. Ouais, on va s'amuser, hein, Pildar et Manu, on s'en va. Bah ouais, on s'en va déjà bien, nous. Ouais, ouais. On va s'amuser avec les anciens qu'on a eu, Tony Arnett, avec toute la bande. Si, si, si. Non, non, mais... On va pouvoir rester dans le studio, malheureusement. Petit slip, 18 ans, 101.9. Salut, GG, bon retour. Ouais, voilà. Ouais, comme d'hab. Ils sont sûrement étonnés. C'est pas les mêmes, Gérard. C'est toi qui es mauvaise langue. C'est la liste qu'on a montré tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est des noms. Ça, c'est des noms. Tu vois. Ouais, ouais. Merguez, petit slip. Je t'ai demandé de te mettre là. Rigo, tu vas te pousser un tout petit peu. Yes. Voilà. Et pour finir, Gérard. Donc, tu vêtes. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Ah, il t'écoute pas, hein. Il est en train de se préparer, il faut du temps. Hein. Ah, d'accord. Et tu vêtes, on peut écouter. Sur Limoules. Non, Lyon. Lyon. Vous me refaites la fiche. Ça commence. Non, mais c'est bien, tu vois. Mais t'es super. Non, non, non, non, non. Mais tu te rends pas compte le nombre d'erreurs qu'ils font chaque soir. C'est pas pour ça que... Ouais, mais attends. Faut peut-être quand même... Tu m'entends, toi? Ouais, sur Lyon, sur 87.5. Alors, c'est 98.9. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah. Ça, bravo. Ouais, c'est bon boulot. C'est un bon boulot. Bravo. Bien sûr. 98. Là, je te signale, Fildor, au passage, que tu es en train de, depuis tout à l'heure, lui balancer les séquences de Skyrock et d'énergie. Oh là là. Je crois qu'il y en a une hors deux aussi. Ouais, c'est bien. Parce que. Bon, enfin, bref, c'est pas. C'est pas grave de donner des fréquences des autres radios, donc c'est pas grave pour Gérard, comme d'habitude. C'est non, mais de toute manière, on verra bien comment ça se passe. De toute manière. Mais calme ce soir avec le sourire. Tu vas me faire le maestro, tu vas me. Ouais, le maestro. Le maestro, c'est toi qui fais la prog. Oui. Et je veux pas ni d'Olivier. Ah si. Ah non, je fais pas les deux. Tu fais les deux. Non, faut que j'écoute. Non. Gérard. Si tu fais les deux. M'entends pas. Non mais tu permets. Pour l'instant, je parle à mon chef. Je suis désolé, Gérard. Si je fais les deux, quoi, qu'est-ce qui se passe? Tu fais les deux. Tu me fais les deux prog. je veux pas de ces trois câbles. Gérard, ZN. Non, parce que si je suis là, tu vas profiter pour gueuler plus et me regarder, tu vas me demander de faire non, non, non, non, non. Moi, je n'interviens pas. Ouais. Non, mais si tu vois que ça se passe mal, t'interviens quand même. T'es animateur radio, t'es payé pour ça. Bon, alors donc, tu restes pour les deux. Non. C'est tout. Bon, on commence pas à dire si. Gérard. Quoi? Oui, je voulais te dire que je suis vraiment ravi de te connaître, parce que j'ai jamais eu l'occasion de discuter. C'est qui? C'est Cuvette, elle a parlé. Cuvette. La Cuvette. De Lyon, ok. Voilà, jamais donc, la bon, c'est loupé. On commence. Voilà. Donc, le premier débat, c'est sur l'affaire Bill Clinton. Vous avez tous entendu parler. Ouais, quand même. Tu pourrais rappeler les faits, Gérard? Bon, tu permets, tu vas pas commencer? Ok. Alors, que pensez-vous de l'affaire Bill Clinton et l'affaire Monica Lewinsky? J'ai aimé les hommes d'influence qui étaient derrière tout ça. Qui? Hein? Qui? Ouais. Ah, les Linky. Ouais, voilà. Ouais. Derrière De Niro. Ah, oh, mais elle est, c'est pas une bonne actrice, Morika. Non. Bon, s'il vous plaît. Mais Levinson est meilleur avec Jurena. Bon, s'il vous plaît, vous répondez. Que pensez-vous de l'affaire Bill Clinton et Mojinska Levins? Alors, Cromet. Oui. Alors, je trouve que Bill Clinton ne l'a pas trop assuré à ce niveau-là. Que la Monica Levins, elle aurait mieux fait bah, de s'abstenir et puis bah, tout serait rentré dans l'ordre. Dans quel sens? Tu veux que je te fasse des dessins en plus hein? Non, mais tu me dis. Bah, ça me paraît évident. Ouais, mais attends, ça te paraît évident, mais comment? Bah, attends, je veux dire, tu connais la... Mais attends, tu suis des informations ou pas? Évidemment, mais tu les suis aussi, donc tu dois savoir que ça paraît évident que bah, c'est pas cool, quoi. C'est clair. Ouais, mais dans ce cas-là, que pensez-vous de l'affaire? Que pensez-vous de cette histoire? Moi, je pense je que... Qui Attends, crevette. Qui veut répondre, là? Ouais, c'est tard. C'est tard. Ouais, bah déjà, moi je pense que Morishka Lewins, là, déjà, c'est un boudin. Monica. Pardon. Monica Lewins, déjà, c'est un boudin. Bah, ouais, comment tu peux le savoir? Bah, parce que je l'ai vu à la télé, tiens. Non, mais attends, c'est tard. Franchement, elle est pas belle. Enfin, ça dépend les références que t'as, mais elle est pas très belle. Bah, attends, qu'est-ce que tu veux réagir par les réponses que j'ai? Tu veux réagir par rapport avec Sandy? Mais pas, c'est du, ça? Pas du tout. Je ne pas viser comme ça. Pas du tout. C'est très belle, Gérard. Bon. Alors. Gérard. Petit slip, là. Alors, moi, je pense que si Boris Helsine boit trop de vodka, c'est son problème. Bon, alors, toi, je pense que tu n'as pas continué longtemps. Ouais, pourquoi? Parce que apparemment, tu n'as pas compris la question. Ah, tu peux la répéter, s'il te plaît? Non, là, je répète pas les questions. Alors, déjà, tu me l'attrapes, lui. Non, mais attends, parce que je crois que... Non, on va pas commencer la première. On va pas commencer comme ça. Ils vont pas me prendre la tête à me dire, tu peux me répéter la question sans arrêt. Alors, ça, il est hors de question. Cuvette. Oui, je suis là. Ouais, alors, toi? Ouais, je suis là, bah, je vote plus pour Clinton, depuis, moi. Ouais, on s'en fout de voter pour qui tu veux, je te demande. Tu peux pas voter pour Bill Clinton alors qu'il est français, comment il peut voter pour Bill Clinton? Qu'est-ce que tu penses de l'enfer? Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Ben, je te dis, moi depuis, je vote plus. Ouais, mais attends, t'as été à New York? Ben, non, mais je vois pas. Non, si t'as pas été à New York, je vois pas comment tu peux voter pour lui. Pourquoi t'es été à New York, tu vois? Oui, moi j'étais à New York, alors... j'étais voir. J'ai été voir Godzilla. Alors, tu peux voter pour Clinton? T'as le droit de voter? Non, mais moi, je vote pour personne. De toute manière, j'en ai rien à foutre. De toute manière, tu votes, que ce soit n'importe quoi. C'est pas le thème du débat. De toute manière, on en suit. Bien sûr. T'as été à New York? Bon, enfin, bref. T'as été à New York avec Godzilla? Bon, toi, tu as commencé à te calmer. C'est un conseil que je te donne. Ok. Le naze fait la différence. Bon, le point d'interrogation, s'il vous plaît, il peut aller dans le bureau. On peut avancer dans le débat là, que de même les auditeurs vous ouvrez plein de petites parenthèses à droite à gauche. Je vais essayer de revenir dans le débat pour ça. Bon, par contre, s'il y a des réactions là sur la première question sur le Minitel, je voudrais bien. Deuxième question. Bon, en soi, il y a trois connectés. C'est tellement intéressant ce que tu racontes, puisque ça n'avance pas dans le débat, tu changes de sujet. Si vous, les auditeurs, pouvez par contre essayer de revenir à chaque fois, aidez-nous à rester dans le débat, plutôt que de vous en écarter toutes les deux secondes. Voilà, je vais bien donner mon avis. C'est petit slip. Oui. Donc, je pense que si Bill Clinton se fait sucette par Monica Lewinsky, c'est son droit, quoi. C'est sa vie privée. Ben voilà, pourquoi tu m'as pas répondu quand je te l'ai posé la question? Oh, bah, je sais pas, je devrais être ailleurs. Oh, ouais, mais attends, si t'es ailleurs, mon pote, autant que tu restes chez toi, écoutez. Si, mais là, j'ai bien compris. Attends, petit slip. Si vous commencez à me prendre la tête, on n'a pas fini la première question. Tout le monde n'a pas fait le premier tour. Hein? Si, Crevette, tu commences à me prendre la tête, à dire ouais, deuxième question, toi, tu vas retourner chez toi, tu vas aller dormir. Ça va aller vite. Non, mais moi je vais vous dire une chose, que maintenant ça va aller vite. Si vous voulez pas répondre aux premières questions, moi ça va aller vite, vous allez tourner chez vous. C'est bon, on a répondu. Ouais, mais pas tous. Non, pas moi. Pas tous. Ouais. L'interrogation. L'interrogation. Allô ? Oui. Oui, donc ce point d'interrogation. Oui. Bon alors, que pensez-vous de... Je répète la question, mais c'est la dernière fois, parce que je ne vais pas faire ça constamment. Elle appelle... Excuse-moi Gérard, elle appelle d'où ? Et c'est quoi sa fréquence ? On n'a pas la... Sur la note, on l'a pas fait. Oh ben, je sais pas. Bon, elle appelle d'où, pour l'interrogation ? J'appelle de nulle part. Ah bien. Ah ouais. Nulle part, c'est quoi la fréquence de nulle part ? La fréquence de nulle part, c'est 001, c'est ça ? Ouais, c'est ça, oui. Tu vois, le trou du cul, toi. C'est alors le trou du cul, ce qu'il va faire, toi. Il a pas dit le cul, il a dit comme ton QI. Bon, alors, que pensez-vous de l'affaire Bilkington et Monica Lewinsky? Alors, l'affaire... Attends, c'est la dernière fois que je pose la question, parce qu'après, on enchaîne. Non, mais je n'ai pas envie d'en faire. S'il vous plaît, derrière, on se calme, merci. Bien, Gérard. Oui, donc, je vais te répondre. Donc, l'affaire Bill Clinton, je pense que c'est n'importe quoi, parce qu'ils font des cassettes vidéo, ils font des tas de trucs sur Bill Clinton, et ils ont même fait des poupées Bill Clinton, donc je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Donc, voilà. Ok. Donc, je pense Yarigo qui me met l'IRC, c'est-à-dire... Ouais, c'est parce qu'il y a des réactions sur l'IRC. Alors, tout à l'heure, on me disait que Bill Clinton fait ce qu'il veut. S'il veut baiser un boudin, ça le regarde, n'est-ce pas, GG, on me dit. Et on me dit aussi que c'est Ramsef, il préfère Lara la vodka que Monica le whisky. Ouais. Ouais, il fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Merci, Rigo. Donc, on passe à la deuxième question. Oui, Gérard. Qui ? Grosse caisse. Ah ouais, c'est bon, grosse caisse. Non, mais attends, grosse caisse, on t'a posé... De toute manière, je voudrais bien avoir les fréquences réelles, parce que ça m'étonnerait que Nantes, on écoute Fun Radio sur 90.5. Si, c'est ça, mais enchaîne, Gérard. Ah, on va chercher, bonjour. Vas-y. Déjà, tu demandes la grosse caisse, et après, t'as sur bon, grosse caisse. Ouais, ben, je pense que c'est pas de la faute de Bill Clinton, il est tombé dans un piège, c'est Monica qui l'a dragué, il a bien le droit de la niquer, ça lui fait plaisir. Non, mais attends, Non, grosse caisse. Ouais, non, grosse caisse. Ouais, je suis là. Grosse caisse. Ouais. Tu crois que, à ton avis, c'est lui qui aurait fait ça? Bah oui, c'est lui. Tu penses quoi que ce serait elle qui serait venue vers lui? Bah si, de toute façon, il y avait l'attrait du fric, c'est une salope, c'est tout. Bah ouais, mais attends, parce que là, on va pas... Bah si. Il y a un peu la dedans quand même. Hein. On va rentrer en plein dedans. Non, mais parce que... Non, parce que là, je pense que, à mon avis, c'est... Bah c'est sa faute à elle. Non, mais c'est pas de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle. Bah, c'est oh là. Et l'amour dans tout ça, parce qu'il y a pas d'amour, il y a du cul là-dedans. Non, mais attendez, on va continuer. Ouais. Donc, que pensez-vous? Pensez-vous que ce soit utile de vendre des cassettes vidéo? Donc, si vous avez suivi les infos quand ça s'est passé, ils ont passé des cassettes vidéo justement à ce propos-là. Ouais, alors, moi, je vous demande, qu'en pensez-vous? Donc, on va demander, on va y aller gentiment. Hein, on va demander à Crevette. Ouais. Crevette. Moi, je trouve que c'est ça. Enfin, c'est quoi sur les cassettes? C'est quand on va baiser avec Monica, c'est ça? Mais non, mais attends, Crevette. Oui. Crevette, oui. L'histoire de la cassette vidéo. Il y a quoi sur la cassette? Mais sur la cassette, t'avais qu'à suivre les informations. Oui, ben, si tu suis pas les informations, tu peux pas, dans ce cas-là, je vois pas pourquoi t'as appelé. Non, mais pour voyager. Mais attends, Crevette, s'il te plaît. Je peux te répondre, Crevette. Oui. Si tu comprends pas ce que le thème du débat, on parle de l'affaire Bennington. Oui. Pensez-vous que c'est utile de vendre des cassettes vidéo? Si t'as pas suivi le thème du débat, si t'as pas suivi les informations, pourquoi tu veux réagir là-dessus? Arrêtez de renifler comme des bouffes, parce que ça commence à m'énerver. Oh, c'est point d'interrogation. Non, c'est pas moi. Hein. Non, c'était Cuvette, mais il s'occupe pas de moi, Gérard. T'es sûr que c'est pas toi, Gérard? Oh, je voudrais... Crevette. Oui, mais je t'écoute. Alors, tu réponds à la question. Bah, c'est pas bien, voilà. Ah ouais, mais alors... Attends, tu me dis que c'est pas bien. Tout à l'heure, tu me dis, ouais, mais... Là, si tu veux absolument une réponse, quand je t'en donne une, tu ne l'acceptes pas, là, je t'en donne une autre, c'est tout, c'est pas bien. Oui, il faut des suivants réponses. Oh là, il y a des téléphones qui merdent, là. Ouais, je vais te demander une question, Gérard. C'était sur quelle chaîne, quand t'as vu avec les vidéos, là? Alors là, sur la chaîne, je donne pas c'était, des... C'était la une? Non, je donnerai pas les noms. Parce qu'en fait, je crois que Crevette, elle a que la 2, donc si ça se trouve, c'était sur la 1. Moi, j'ai que la 2, alors... Voilà, c'est pour ça. Bon, bah, de toute manière, tout ça, c'est passé sur toutes les chaînes. Ah bon, d'accord, ça va. Pour la 2. Menteuse. C'est une menteuse, c'est passé sur toutes les chaînes. Ouais, ouais, je crois pas. Hein. Ouais, vous avez qu'à suivre le journal de 13h et de 20h. Grosse caisse, on va pas s'éterniser sur une chaîne. Ouais. Crevette, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, Crevette, elle vient de parler. Grosse caisse. Ouais, je suis là, toujours. Ben, ça dépend des vidéos. Si c'est une vidéo de cul, ça peut être intéressant, voir la top qu'a notre ami Bill, mais si c'est des histoires de conneries d'interview, c'est pas intéressant. Ah, justement, c'est là qu'est le problème. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais. À mon avis, je pense que ça doit être une histoire d'interview qui ont été sorties sur cassette vidéo. Ouais, mais à ce niveau-là, l'ami Bill, il peut y avoir n'importe quoi dans les interviews. Vu que c'est un politicien, c'est un menteur, donc on s'en fout. Ok, d'accord. Point d'interrogation. Bah écoute, je pense que c'est n'importe quoi parce que faire des cassettes vidéo sur des gens politiques, ça regarde personne. Bravo. En fin de compte, c'est la vie privée des gens et puis s'ils font des cassettes sur ça, ils risquent de faire des cassettes sur leur famille et tout, c'est pas. Bravo. Je trouve que c'est vraiment dégueulasse de faire ça, ils devraient faire un procès contre eux. D'accord. C'est ça. Ouais. Oh, mais qui c'est qu'un téléphone pourri là? C'est moi, mais je voudrais comprendre un truc. C'est ça. Ah ouais, je suis d'accord avec l'invité mystère et je voulais savoir quand t'étais à New York, t'en as pas vu toi des cassettes de Bill Clinton? Bon alors c'est tard, bonne nuit pour faire une question, Gérard. Attends, on l'a pas vu. Ah vous l'avez pas vu? Non, les cassettes vidéo sont sorties il y a. Ah oui, après. Et on peut en avoir où alors? Parce que moi je l'ai raté à la télé. Tu l'as raté, dans ce cas-là, tu vas dans tous les magasins qui vendent des cassettes vidéo, tu les trouveras. À la Fnac, ils le vendent à la Fnac, tu crois? J'en sais rien. Dans les Fnac et Fuck, ils le vendent? J'en sais rien. Petit okay. Slip. Alors, moi, je pense que c'est malsain. Pardon? Pourquoi? Bah, parce que Bill Clinton, il va se faire virer, mais néanmoins, il peut commencer une carrière dans le X. Ça peut être intéressant. Dans le sens positif. Ouais, alors moi, tu penses que avec sa femme et ses deux filles? Non, il en a qu'une. Non, il en a deux. Deux femmes? Non, deux filles. Non, maintenant deux femmes. Bon, c'est bon. Cuvette. Ouais, Cuvette. Ouais, moi je voudrais savoir déjà qu'est-ce que propage la cassette? Elle défend Bill Clinton ou elle l'afflige? Non, elle lui dit comme ça. D'après, moi j'ai vu vaguement un reportage. Mm. Et puis qui en tire profit, c'est quoi c'est, non, mais il y a un reportage, ça s'est passé au tribunal, comme quoi que, elle a insisté, comme quoi qu'il y avait fait des propositions. Max, s'il te plaît. Max. Tu peux essayer de me couper là, parce que là... C'est l'invité mystère qui frotte avec son téléphone. Ah ouais, l'invité mystère, c'est elle qui frotte avec son téléphone, tout à l'heure je vais te frotter quelque chose, toi. Ouh. Bon, ouais. Donc, maintenant, tout le monde a répondu. Moi, je peux vous dire une chose. Maintenant, je vais vous répondre personnellement. Que... Oh, s'il vous plaît. Ouais, Manu. Oui, Gérard. Tout le monde, le premier portable, ça va pas, là. C'est le point d'interrogation qui... Ouais, c'est le point d'interrogation, bien sûr. Bah oui, je suis désolé. Non, c'est pas moi. Hein. Ah, si, c'est elle. Bien sûr, t'as deux voix. Je le vois. Tu le vois. Tu le vois bien sûr, et là moi j'ai un son vachement grave dans les oreilles, c'est pas possible. Ah non, mais mets ton cax, Max, tu vas voir que là. Je vais te dire une chose, c'est impossible. Attends, silence. Ah là, maintenant, non, c'est pareil. Non, mais attends. Bon, donc, moi je peux répondre à. Ah oui, ça tord un peu, effectivement, il faut. Voilà. Hein? Non, mais c'est un peu criard, effectivement, les voix là. C'est un peu. Alors attends, je vais te mettre là-dessus, là, comme ça, c'est mieux là ou pas? C'est un peu plus faible, mais c'est plus calme, écoute. Ouais, mais je sais pas si les... Non, mais là, tu me coupes, personne m'entend. Allô? Oui. Vous entendez? Oui, on entend. Pour moi. Bah si, parle. Bah allume. Bah écoute, c'est parce que je t'ai mis le son province. Vas-y, parle-leur. Mais ils m'entendent pas. Attends, j'ai plus rien, là. Parce que j'ai baissé, parce que j'ai mis le son différent. Mais si tu veux, je te remets... Alors, je te remets celui-là. Alors, voilà. Bon, bah d'accord, ok. Bah, enfin, tu baisses dans le casque, alors. Ok. Donc moi je peux vous dire que ces histoires de cassettes vidéo et tout ça, pour moi c'est de la merde. Ça sert à rien de s'en prendre sur une personne pour vendre des trucs de cul. Parce que la personne fait ce qu'il veut. Bon, en fin de compte. Mais attendez, laisse-moi répondre. Moi je vais vous donner la réponse. c'est que là, là, c'est une histoire, on ne sait pas comment que ça va se terminer. C'est une histoire sans, sans queue, sans tête. Sans queue. Ni queue, ni tête, en fin de compte. C'est une histoire ni queue, ni tête. On ne sait pas si, s'il va rester, s'il va partir ou autre. Donc là, on va en revenir. On va continuer le thème du débat. Hein? Donc, moi, je vous demande la question. Et j'espère... Oui, excuse-moi Gérard. Donc Cuvette est parti parce qu'en fait il avait un téléphone pourri. Donc on l'a dégagé, on a dit que c'était mieux pour le débat. Et on a Coussin d'air à la place, qui a 27 ans et qui appelle de Guadeloupe. Ouais, non mais attends, attends, Cuvette. Quoi, quoi une chose, une ouais. chose que je vais vous demander. N'essayez pas de changer les noms. Non, non, non, et, c'est pas le même. Et qui reprennent. Pas de soucis. Sous un autre nom. Parce que là vous avez 24 lignes qui sonnent. Donc prenez-moi des gens sur les 24 lignes. Coussin d'air, tu marques à la place de Cuvette. Donc, écoute, ça a l'air. A-I-N. A-I-N. A-I-R, merci. A-I-N. A-I-R, coussin d'air. Oui, mais coussin, A-I-N. Ouais, merci. Coussin, c'est C-O-U-S. C'est C-O-U-2-S-I-N. Merci, Fildar, pour ton orthographe. Donc, je vous pose un... Tu peux dire bonjour, hein. Bonjour à toi, Coussin d'air. Salut, Coussin d'air. Salut. Bonjour, Coussin d'air. Bonsoir. Oh, tu travailles ? De Radio Saint-Pierre-Vague. Non, mais il a un décalage, Gérard. Il est en Guadeloupe. Allô ? Coussin d'air, c'est qui ça ? Allô ? Attends, on va te dire un truc, tu vas le recevoir dans deux secondes, bouge pas. Allô ? Oh ! À Lille ? Bon, allez, hop. Mais non, mais lui, Gérard. Ouais, non, mais attends, ça va dire quoi, là ? Oh ! Tu l'as ! Mais parle-lui, hein, Coussin d'air. Non, attends, Coussin d'air, t'es là ? Non. Ah oui, je non, suis là. Non, oui. Pas là. Mais allez, si, là. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Non, allez, Gérard. Bonne nuit, allez, calme-toi, Gérard. Ça, je te prends. Mais attends, mais ça fait Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Gérard. Il appelle de Guadeloupe, donc il y a un décalage d'une seconde. C'est normal, il reçoit après. Ça t'est jamais arrivé d'appeler, toi, à l'étranger, de t'avoir une demi-seconde de décalage ? Bon, ben, tu m'entends, Coussin d'air ? Oui. Oui, je t'entends. Voilà. Une demi-seconde de décalage, c'est tout. Lui, avec le décalage qu'il a, écoute-moi, Gérard, avec le décalage qu'il a, ce monsieur du Guadeloupe, Coussin d'air, si je ne me trompe pas, toi, pour toi, on fait encore l'émission du matin. Ah oui, là, oui. Ce soir, il croit qu'on fait encore l'émission du matin, parce qu'il y a un décalage tellement long au Guadeloupe que pour lui, il y a une semaine de retard, les émissions. Donc, oui, c'est ça, absolument, une semaine de retard. Oui. D'accord, une semaine de retard, ok, merci. Donc, à quoi servira cet argent vendu par ces cassettes ? Alors, on va demander à Crevette. Va servir à payer ses frais d'avocat. D'accord, alors là, t'es tout t'es à côté de la plaque. Ah bah, excuse-moi, c'est ce que j'avais entendu. Et au standard, vous voulez la fermer ? On n'a rien dit. Donc, Crevette. Oui, moi j'ai entendu dire, en fait, il y a des acteurs qui ont filé de la thune à Bill Clinton pour qu'il paye son procès, ses frais de procès. Ouais. Et bah, l'argent des cassettes irait aussi pour payer les frais de procès. D'accord. Ainsi que tous les gadgets vendus en fake shop. Ah non, mais on parle de la cassette vidéo, on parle pas des... Un propre. Non, mais on parle pas des histoires de gadgets ou autres. Hein. Ah, okay. Moi, je te parle de la cassette vidéo. Oui, non, mais je te dis qu'il y a aussi les gadgets. Ok. Grosse caisse ? Bah, ça fera de l'argent à Bill Clinton. Comme ça, il pourra s'acheter de nouveaux trucs, des godes et tout ça pour sa femme. Ça pourrait être vachement sympa. Puis peut-être une nouvelle paire de chaussettes pour l'hiver. C'est jamais ? Ouais, d'accord. Ok. Point d'interrogation ? Alors, je pense que cet argent, enfin, j'espère que lui, il va en faire bon usage pour les associations humanitaires ou même autre chose. Ouais. Attendez. Tu sais qu'il vient de dire mon cul et qu'il rigole comme un con. Alors maintenant, grosse caisse, pétard et petit cip, maintenant, c'est à vous trois que je m'en prends. On n'a pas dit un mot. Alors, lequel qui rigole derrière ? Lequel ? Et comment tu veux qu'il te réponde ? Parce qu'il sait très bien que s'ils disent qu'il l'a fait, il va se faire virer. Donc le mec, il répond pas. Bah, c'est Polo. Bon, bah voilà, c'est bien qu'il l'ait dit, c'est bien. C'est Polo. Non, mais attends, ça commence à... Là, on va pas commencer comme ça, Fidja. Parce que tout à l'heure, moi, je vais prendre sur les 24 lignes. Hein. arrête de faire allusion. Mec. Reviens dans ton débat, c'est bien depuis tout à l'heure. Donc, grosse caisse. Ouais. Donc, bon, toi, tu la fermes, toi. Toi, t'as répondu, point d'interrogation. Oui, donc je t'ai répondu, j'espère que cet argent, il va en faire bon usage pour les aides humanitaires. Donc, on va demander à Tétard. Ouais, bah, je pense que bah, avec la team qu'il a fait, il va pouvoir se payer d'autres prostituées pour se faire étranger, quoi. Alors, Tétard, je vais te dire une chose, pour l'instant, ça paye deux bah, croix. Attends, il l'a payé. Ça paye deux croix. Il a pas payé, il a rien payé. Il a pas à répondre ça maintenant, il faut donner des bonnes réponses, il fait ce qu'il veut, il répond ce qu'il veut. Ah, c'est un jeu? C'est un jeu ou quoi ton truc? Non, mais attends, je vais voir. Ah, parce qu'il y en a certains qui répondent à côté de la plaque. Non, ils répondent ce qu'ils ont envie de prendre. Bah, alors, Tétard, pour toi. Il l'a payé, Monica Lewinsky, pour faire étranger, il l'a payé. Ok, c'est bon. Ça va? Tu lui enlèves la croix. Alors, moi, je pense que, à ce que j'ai entendu dire, que ça irait directement au don du Front de Libération des Nains Jardins. Ouais, c'est vrai. Bon, ça, c'est une rumeur. Hein. Non, non, quoi. Attendez, qui c'est qui réagit derrière Petit Slip? C'est moi. Crevette. Ouais, Crevette. Oui, je te dis, c'est une rumeur des Nains Jardins. Mais moi, j'ai entendu dire ça. Non, en gros, c'est la vérité. On va demander à Poussin d'air. Oui, Gérard. Allô? Oui? Moi, je crois qu'avec l'argent, il va réparer sa voiture et s'acheter des lacets. Bon, alors moi, je peux vous dire une chose que... Là, je pense... Non, mais attends, Coussin d'air, je pense que t'as vachement de... T'es vachement pas au courant de l'histoire. Ah, il a un coup de double, c'est pas encore arrivé, l'histoire. Donc, moi, je peux vous dire une chose que, à mon avis, je pense que... C'est Georges qui va l'amener, le scoop, là-bas. Qui? Georges. Georges qui? Ben le tourbillon là. Ouais ben ça, cette histoire là, je vais pas en entendre parler parce que j'ai eu des. D'accord. Des... Bon, on okay. Donc je pense que à mon avis, là je pense que je suis d'accord avec le point d'interrogation, donc je pense que qu'il devrait faire moins et l'argent qu'il va recevoir, on sait pas combien, mais je pense qui ferait mieux de s'occuper des associations humanitaires, c'est-à-dire moins de, que les mômes n'aillent pas de flingues, et tout ça, ils s'amusent pas à fumer et autres. Donc, à mon avis là-dessus, je pense que on sait pas encore, parce que là pour l'instant ils en reparlent pas trop à la télé. Voilà, il y a une heure peut-être. Là. Mais on pense que. Je pense que cette histoire est loin d'être terminée, donc on verra bien par la suite. Donc, je vous pose d'autres questions, vous allez réfléchir. Donc la quatrième question, croyez-vous que les journalistes s'occupent trop de la vie privée des stars? On va demander à Crevette. Non, on va pas demander à Crevette, on va demander à Coussin d'air, tiens. Coussin d'air. Moi, je crois que en ce qui concerne les journalistes, ils s'occupent trop de la vie des autres journalistes qui sont stars. Ouais, mais dans ce cas-là, Coussin d'air, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois que là-bas, vers chez toi, est-ce que tu as des journalistes qui s'occupent des personnes? Alors, écoute, oui, il y a effectivement des journalistes. Moi, je vois, il y a eu le cas du chanteur Francky Vincent. Non, mais attends, Francky Vincent, c'est pas pareil. Parce que vas-y, Francky. C'est bon. Ouais, vas-y, Francky, c'est bon. Non, mais attends, Coussin d'air. Moi, je te demande, là-bas, en Guadeloupe, est-ce que vous avez des journalistes qui s'occupent des stars Alors, c'était ma réponse, justement. J'étais en train de t'expliquer que. Il y a chez nous des journalistes qui, effectivement, se sont occupés de très, très près de Francky Vincent. Non, mais pourquoi tu parles de... Attends, Coussin d'air. Mais attendez, pourquoi vous voulez parler de tout de suite Francky Vincent? Vous avez d'autres chanteurs guadeloupéens comme la Compagnie Créole, tout ça. Il y a Denis Soussos aussi. Adamo. Stop. Coussin d'air. Gérard. Vite, parce qu'on s'échappe juste. Gérard, il faut que tu saches qu'ici en Guadeloupe, que tu as de pointe à pied. À Gaudier, c'est Francky Vincent Lassard. Attends, jusqu'où tu m'as dit? Audier. Bah, je connais pas. C'est juste en dessous de la langue. Voilà. Oh. Et donc voilà. Du fait que Francky Vincent soit une star, ouais. Alors forcément tous les journalistes s'en occupent, ils lui offrent des cadeaux. Coussin d'air, on va pas trop s'acharner sur tout ça. Bon, moi, si je te dis la compagnie créole, qu'est-ce que ça donne là-bas en Guadeloupe? Non, parce qu'il veut parler de Francky Vincent, on va vite abréger. Coussin d'air, on fait vite. C'est-à-dire que la compagnie créole, il n'y a plus que les vieux qui écoutent ça. Si tu veux, c'est attirer un gars maintenant chez nous. Mmh. Et celui qui cartonne vraiment, c'est Francky Vincent. Celui qui chante, tu sais, vas-y, Francky, t'es bon. Okay. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Ok, coussin d'air. Donc, ben tiens, t'es ok, c'est qui? Coussin d'air, merci. Pas zapper, hein, parce que là, c'est pas possible. Petit slip, croyez-vous que les journalistes s'occupent trop de la vie privée des stars, donc on va pas essayer de reprendre sur les stars de chansons, on reprend sur l'affaire Bill Clinton, hein. Bon, petit slip une fois. Petit slip deux fois. Oh, petit slip trois fois. C'est nous. Terminé. Non, c'était moi. Désolé. Non, pas taper. Pas taper, c'était moi, je m'excuse. On reprend. Alors, tu mets tout le monde... Ça y est, c'est bon. Oh, merde. Voilà. Alors, petit slip pour toi. On va les foutre en quarantaine. Hein. Alors donc, moi, je pense que les journalistes vont trop loin, puisque ils interviewent encore Elvis Presley, Bob Marley, Jimi Hendrix, quoi. C'est ça, non? Non, mais attends, je te parle de l'affaire Bill Clinton, je te parle pas des chanteurs. Ah bon? Eh ben alors, je pense bon, que... Bon, alors, petit slip, c'est bon, t'as... Je vois qu'apparemment, tu t'endors. Oh, non, je suis réveillé. Allô. Allez Gérard, on se réveille. Non mais c'est vous qui allez vous réveiller parce que là pour l'instant on parle pas des chanteurs, on parle de l'affaire Bill Clinton, ok? On débat, tu débrouilles. Toi Gérard, en tant que chancelier de l'Allemagne, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non mais alors pour l'instant, Tétard. Ouais, je suis là, ouais. Bon alors Tétard, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je pense qu'effectivement les journalistes qui s'occupent beaucoup trop de la vie privée des stars, je pense que tu fais référence aux paparazzis. Non, attends. Si, forcément. Ouais, il faudrait que tu nous racontes ton expérience personnelle et il faut lutter contre l'illettrisme en France, oui. Non, alors là, je ne te répondrai pas là-dessus. Non, je ne te répondrai pas. Les paparazzis quand même, Gérard. C'est quand même eux. Grosse caisse. Ouais, c'est moi. Point d'interrogation. Oui, je pense que là, il s'occupe un peu trop de la vie privée des gens parce que... Tu me calmes celui qui s'amuse à chanter parce que tout à l'heure, ça va aller vite, là. C'est quand tu vois ce qui s'est passé avec Michael Jackson ou même Madonna, je crois que... Non mais attends, toi t'es à côté de la plaque aussi, toi. Ouais. Toi, t'as fumé la moquette durant l'Allemagne. Non, ça m'arrive de fumer la moquette, c'est pas... Ouais, tu prends... je fumerais le cigare à moustache. Ouais, c'est ça que tu prends. Ouais, je crois que t'as fumé le cigare à moustache, hein. Donc, pour te répondre, je pense que les journalistes, ils s'occupent un peu trop des gens et ce qu'ils font, c'est pas un gars de personne, quoi. En fait, écoute, ils sont toujours là, dès qu'il y a une star qui arrive, ils sont toujours ici. Point d'interrogation. T'as pas compris. Celui qui parle derrière, tu te la fermes parce que tout à l'heure, tu vas retourner au standard, ça va aller vite. C'est une star quand même, Bill Clinton. C'est qui là qui parle sur point d'interrogation? Je sais pas. C'est un mec, hein. Alors il va se la fermer, lui, parce que tout à l'heure, je vais zapper tout le monde. Mais tu sais que Bill Clinton, c'est quand même une star quelque part. Bon, moi je parle. Non, mais qu'est-ce que c'est croyez-vous que les journalistes s'occupent trop d'affaires des stars Justement, les journalistes, ils s'occupent un peu trop de la vie privée des gens. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils sont toujours là, dès qu'il y a une voiture qui passe, qui sont dedans, ça y est, ils sont là avec les photographes et tout. Hein. D'accord, ok. Pourquoi? Grosse tête. Il y a une Mercedes là, qui a un accident là. Bon, toi tu la fermes. D'accord. pas avec ta Mercedes tout à l'heure, tu as dégagé. Ça va aller vite fait. Ça va pas durer longtemps. Bon, les mains. Bon, je sens qu'on va virer. Grosse caisse. Non, j'ai rien dit, moi. Alors, grosse caisse, tu réponds? Ouais, je réponds. Bon, ouais. On y va, Gérard, j'ai un petit truc pour revenir dans le débat, si tu veux. Donc on a posé la question aux Français, que pensez-vous de l'affaire Lewinsky, s'il te plaît? Laisse-moi lire mon sondage. Question. Oh là là, c'est voilà. Un peu, tu veux faire avancer ton débat ou c'est comme avant, c'est... Non mais attends, parce qu'à mon avis, c'est eux qui ont fait ça. Attends, écoutez, on va voir, on va juger. À la question, que pensez-vous de l'affaire Lewinsky? Donc les Français ont répondu non. Lewinsky, ok, excusez-moi, prononciation. Si, je disais pas le dire devant lui, ouais. Ouais. Donc ils ont répondu non à 50%, mais pourquoi à 49%? Et 1% a dit, moi je pense que vu la circonstancialité du monde à notre époque, pourquoi ne pas envisager de répondre par la négation? Et j'aimerais savoir ce que t'en penses. Bon, ça j'en ai rien à foutre. De toute manière, à mon avis, c'est toi qui a... Non. Bon, allez. Oh, on va demander à grosse caisse parce que moi j'étais sur les trottoirs du bois de Boulogne hier dans la nuit. Ouais. Bon, ça. De quoi j'ai rentré au bois de Boulogne? Voilà, c'est chiant. Ouais, c'est toi qui viens de marquer, connard. tu me prends pour un con là? Ouais. Non, je suis laisse. Non, tu me laisses. Bah, c'est pas mieux d'aller voir où tu es à 205 à Brouty. grosse caisse, allez, on active là sur la question là, parce que je pense que personne ne veut réagir. Bon, allez, grosse caisse. Ouais, je suis là, je te parle. Voilà. Bah, y a un problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est vachement trop libéral comme pays, alors qu'il sait que les médias, ils font n'importe quoi, ils font chier n'importe qui, n'importe comment. Bon, d'accord, trop bête. Moi, je dis que c'est normal que les stars, on connaisse leur vie privée, parce que c'est des personnages publics et elles doivent être exemplaires et donner l'exemple aux gens, donc c'est tout à fait normal de savoir ce qu'ils disent, ce qu'ils la vie. Bon alors, je vais dire une chose, crevette, tu vois. Là, moi, je te réponds tout de suite. Et là, je vais te dire que là, t'as tout faux. Mm-hmm. Bah, c'est oh, s'il vous plaît, derrière, on se la ferme. Gérard, il était très bien, c'est très bien, c'est sucer la vie. Là ouais. Ça, c'est une histoire. Non, mais c'est vrai. Attends, celle qui rigole comme... celle qui rigole ou autre. Non, mais Gérard, il a raison. On veut pas savoir que Mick Jagger, il encule David Bowie. Bon, allez. Il encule Gérard. Ah non, bah alors là. Allez, hop. Dehors pour lui. Allez, hop. Cherche pas, tu sors de chez toi, dehors. Vous faites le boulot correctement, sinon c'est moi qui le fais. Attends, donne un chiffre entre 1 et 6. Je veux pas le savoir. C'était Pépito. Ah ben... Dehors, Pépito. Vanille, Pépito. Pépito, dehors. Voilà, tu me prends PS, terminé pour lui. Hop. T'as qu'à prendre granola à la place. Voilà. Donc moi je peux vous dire une chose, que les journalistes s'occupent trop des affaires des personnes haut placées. Non mais ça c'est un truc qui me dégoûte, parce que j'ai encore regardé un reportage ce soir, ça me prend la tête. C'est ça, non? Non, ils soient... merci, t'es dans ton micro. Je demande, c'est tout. T'es dans ton micro, parce que ils soient, je ne l'ai pas regardé. Donc moi je peux vous dire une chose, que là-dessus ça... Ça me prend la tête. Ah ouais, que pensez-vous des Français? Alors, t'en as qui disent à 100%. Ah bah ouais, les Français, ils se débrouillent bien. De l'autre côté, t'en as 50% qui disent, oh bah non, mais de manière, on s'en fout, on regarde pas la télé, ceci, cela. Donc, bref, passons. Mais c'est extraordinaire. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre, moi, de manière... De manière, on a voté, on en chiera toujours. Et que ça soit... Que ça soit dans n'importe quel pays, de toute manière, on va en chier partout. Je me demande même, je m'aventure un peu, oui. Je me demande pas si Chichi se fait pas des fois un petit peu, il a pas des gâteries dans le bureau ovale. C'est un navet. On revient dans le débat. Ouais. Non, mais ça, moi, je vais te répondre tout de suite à casser. S'il vous plaît, merci. La pipe au sac à main. Pour se calmer, oui. Alors, tout à l'heure, il y en a un qui va dire la pipe au sac à main au standard, il va être clair et net. Donc moi, je te réponds à ta question, de toute manière, on l'a voulu, on l'a. Maintenant, on en chie. Et on va en chier pendant 5 ans. Ouais. Parce que c'est pas pour ça que... C'est pour ça qu'on fait un débat sur la politique. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on va avoir des augmentations ou autre, et que tout va baisser. Là, au contraire... Moi, je propose qu'on fait un débat sur les pattes d'EF et sur la politique. Hein? Bon alors, question suivante, on revient dans le débat. Donc, pensez-vous que le président des USA sera démis de ses fonctions? Donc, on va demander à Crevette. Ouais. Je sais pas, Gérard, je suis pas voyante, je sais pas. Non, non, mais ben, on s'en fout d'être voyante ou pas voyant, on n'en a rien à cirer. Je ne sais pas, Gérard, je ne sais pas s'il va être émis, je ne fais pas partie du Congrès, je ne prends pas de décision aux États-Unis, je ne suis même pas américaine, donc je ne sais pas. Non, mais de toute manière, tu n'as pas besoin d'être américaine ou autre, tu peux très bien réagir. Vis-à-vis des informations que tu écoutes. Oui, mais bon, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui prends la décision. D'accord. Grosse caisse ? Ouais. Bon, en fin de compte, je sais, j'ai une exclue. En fin de compte, je sais que Clinton, c'est pas lui qui va se faire virer. Il va se désister. Il va tourner dans une nouvelle série. Au lieu de s'appeler X-Files, ça s'appellera X-Clinton. Ça sera du cul, 100%. Alors, grosse caisse, tu sais ce que tu me fais ? Ben, je suis pas une grosse caisse. Non, mais tu vas aller faire un gros dodo, tu vas retourner voir Fielder ou Manu qui sont... Non, mais tu voulais une réponse, on a une. Non. Je te demande... Mais t'es la censure, t'es pire que le CSA, toi. Bon, alors, tu dégages. La liberté d'expression. Allez, hop, pub, pas de pub. Terminé pour lui. J'enchaîne. Terminé, tu le vires, tu me reprends non, quelqu'un d'autre. Cool. Terminé. Il n'y a pas de contrat, ça, je peux pas le dire. Terminé. Oh. Hey, tu fais gaffe ou sinon je vous vire tous les deux du standard. D'accord. Alors, tu le vires. Point d'interrogation. Oui, je pense que... Attends, avant de répondre, peut-être une question IRC, non ? Rigo ? Oui, il y a des gens qui me demandent si un jour tu deviens président, est-ce que tu te laisseras aller toi aussi ? Est-ce que tu te laisserais samedi ? Ça, c'est un truc personnel, donc je ne peux pas te répondre tout de suite. Ah, on me dit aussi, vu que Sandy est déjà un boudin... Enfin, non. Vu que Sandy est déjà un boudin, alors c'est qui... Attends. S'il vous plaît, merci au standard. C'est qui a sorti ça au standard ? C'est un mec qui s'appelle Rigo, je sais pas. Ah, Rigo, c'est pas toi ? Non, il y en a plusieurs. Même. Ah bon. Donc, on revient sur le débat. Donc, point d'interrogation ? Oui, attends, j'ai pas compris la question déjà. C'est bête. Bon, attends, je te préviens, grosse caisse, je le veux plus. Hein. Non, mais il est parti. Tu me reprends quelqu'un d'autre, hein ? Mais pas sous un autre nom. Non. Donc, alors, pensez-vous que le président des USA sera démis de ses fonctions ? Oui, je pense qu'il sera sûrement, soit c'est lui qui partira, ou s'il y a eu un jugement, je pense qu'il va sans doute en avoir un autre. Je pense que c'est les juges qui vont juger d'essayer de savoir s'il est coupable ou pas. D'accord. 5 minutes ? Oui. Oui, 5 minutes. Donc on accueille Gicleur à la place de Grosse Caisse. Ouais, bonjour Gicleur. Salut Gérard. Bonjour Gicleur. Salut tout le monde, ça va ? Ça va. Salut. Ouais. Bonjour. Bon, dans quelle ville ? À Grenoble. La fréquence ? 98.8. C'est tout, c'est ça, si je suis marié, non ? C'est pour l'intérêt. Bon, Gicleur, tu as commencé à te la fermer parce que je vais contrôler la fréquence tout à l'heure. Donc, on va activer. Allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, allez, hop, il a maintenant tu réponds. Parce que maintenant, tu n'as même plus confiance aux auditeurs qui te donnent les fréquences, tu veux vérifier. Non, mais attends, parce qu'avec eux, je suis con. Avec un con comme moi, on s'amuse, avec un con comme toi, on se fait chier. Les cons, ça veut dire champion olympique de natation. Magnifique. Non, mais c'est 98.8. Non, mais maintenant, c'est bon, Grenoblois, maintenant, on va rentrer dans le table du débat. C'est pour tout le bordel, il va redégager pour nous. Allez, vas-y, tu réponds à la question. Ouais, ben, tu peux inviter la question, c'est Manu qui m'a appelé, je veux plus entendre. Non, ben, alors, je répète pas la question. Hop, ouais, c'est tard. Ah non, mais attends, Manu. Eh, hey, les mecs, s'ils écoutent la radio, Oui, mais j'ai rappelé juste au moment où tu m'as appelé. Ah ouais, mais attends. Il m'a rappelé, mais Manu m'a rappelé, Manu. Eh, moi, il me reste plus que 6 minutes à... répète la question et puis on y va. Quand je te dis que le débat finit 1h30, tu peux aller jusqu'à 32. Pensez-vous que le président des USA sera démis de ses fonctions ? Encore, t'en éclats ? Bah oui. Bah attends, mais... Il avance pas, et si t'es pas contente, c'est le même prix, crevette. Merci. Bah écoute, moi je pense qu'il va rester, parce qu'apparemment les Américains veulent le garder. Ouais. Et que c'est pas parce qu'il a fait une petite pipe qu'il est pas capable de gouverner son pays. Bah je pense. D'accord. Tchétard. Ouais, bah moi je pense que le président des United States, là, machin, je sais pas quoi, là, il va être remis de ses jonctions. Ouais. Il l'aura bien mérité d'ailleurs, n'est-ce pas ? Oh putain, tu fumes la moquette, toi ? Bah quoi, je te demande s'il a promis de ses jonctions, je te dis que oui. De ses fonctions, c'est pareil, ouais, pas du tout, ouais. Bon, d'accord, apparemment, je crois que c'est... petit slip. Bah moi, je pense qu'il a déjà démis de ses fonctions, puisqu'il est mort, donc il est dit. D'accord, alors toi, tu peux dégager. Non, c'est ça y est, c'est bonne nuit pour toi. Bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. Tu dégages. Coussin d'air. Oh. Eh bien, moi, je crois que ce serait dommage qu'il soit démis de ses fonctions parce que maintenant, tout le monde est au courant aux États-Unis, dans le monde. Alors, je n'imagine pas le président aller à la NTE et dire bonjour, etc. Et les filles auront peur. Il ne pourra même plus aller voir les prostituées parce qu'il aura cette affaire de pipe. Et forcément, les pipes, bon, ça n'engage à rien, ça entretient l'amitié, c'est pas méchant. Et forcément, moi, je crois qu'il devrait être au pouvoir. Hein. Là, je vais pour se faire juger, quoi. Ouais, mais 5 minutes, s'il vous plaît, merci. Mmh. Bon, je vais vous répondre après, mais pour l'instant, moi je peux vous dire que à mon avis, il sera des, il restera, mais il faut attendre l'histoire parce que c'est un peu trop long. Ouais. Mais toi, tu continues toujours à faire de la radio, pourtant. Ouais, mais ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Donc, on faut pas confondre la radio et. Ah, c'est parce que tu suces, c'est pour ça. Non, mais attends, il y a tu suces et tu suces pas. Ah ouais, c'est fait. Ouais. Bon, Gérard, à la place de Petit Slip que t'as dégagé, on accueille donc Serpillière. Ouais, bah d'accord. Alors Manu, Manu, attends. Moi je vais te dire une chose. Tu vois, là ce que t'es en train de me faire, tu changes les noms. Bah non, Gérard, non. Tu l'as repris, tu y as dit. Au lieu de t'appeler Petit Slip, tu vas faire Serpillière. Ceci dit, merci. C'est un peu une serpillière quelque part. Ouais. Surtout ceux de. Moi, je vais sélectionner pour le deuxième débat. J'ai rien du tout. Il sait très bien, il met des serpillères à la place des Petit Slip. Donc, on va prendre Serpillière. Voilà. Et tu verras que c'est pas le même. Ouais, ben, on verra. Bah, on va voir déjà. La dernière question, vite. Serpillière. Bon, Gérard. Alors, la dernière question. Les journalistes de la télé en font-ils pas un grand plat de cette histoire? Attendez, je répète. Non, je répète parce que j'étais pas. S'il te plaît. Merci. Je répète. Je récapitule de début. Je suis pas trop avec la politique, on aura des problèmes. Donc les journalistes de la télé en font-ils pas un grand plat de cette affaire? Donc on va demander à Crevette. J'ai pas compris la question. Bon, alors Crevette, c'est terminé pour toi. Tu comprendras mieux dans ton lit. C'est tard. Ben, moi, je pense qu'effectivement, il faut mettre les petits plats dans les grands et pas mettre les deux pieds dans le plat, ni tous les autres dans le même panier, c'est clair. Ouais, de toute manière, il y a un proverbe qui dit faut pas mettre les deux pieds dans le même sabot. Tout à fait, surtout quand on a des sabots. Bravo, Gérard. Ok. Bravo, Gérard. Donc, bon, d'accord, t'as pas compris la question. Non, mais je serais toi, je prendrais mon balai de brosse et je passerais ma serpillière dans tout l'appartement. Ok? Coussin d'air. Au contraire. Attends, coussin d'air. L'autre abruti, il applaudit pas parce que c'est lui qui l'a sélectionné. Donc c'est bien? Vas-y, accouche. Donc coussin d'air. Quoi, accouche? Tout à l'heure, je vais t'accoucher, toi. Finger. Finger, tu vois, tout à l'heure, Finger, je vais te manger par les deux bouts. C'est Finger, il fait pas un gros bout. Par les deux bouts, allez. Enfin, c'est une réunion, c'est pas possible, le débat, on peut pas. Non, le deuxième débat, je le fais pas comme ça. Coussin d'air. Oui, alors je disais que moi, je trouve pas, au contraire, que les journalistes aient fait beaucoup, beaucoup de choses sur cette affaire-là, parce que je regardais pas plus tard que tout à l'heure. Retransmis en Guadeloupe le TRT, et le journaliste n'a pas parlé une fois de l'affaire Bill Clinton. Alors... Non mais attends, coussin d'air. Oui. Et celui qui se marre comme un bourrin, là, il la ferme. Oui, mais regarde, ça, je veux dire, tu la fermes toutes les deux secondes. Toi aussi, tu la fermes quand tu parles. Coussin d'air. Non mais je vois pas le rapport avec l'affaire Bill Clinton et puis les chevaux. Ben, c'est bien, c'est parce que tu as demandé si les journalistes... Non, attends, coussin d'air, je te répète ta question. Les journalistes de la télé en font-ils pas un grand plat de cette histoire? C'est-à-dire, on parle de l'histoire de Billy Clinton, on parle pas des chevaux. Oui, et c'est pour ça que je te réponds, lors de la retransmission du TRT, le journaliste qui commentait, il n'a pas parlé une seule fois de l'affaire Bill Clinton, et c'est pour ça que je te dis que non, je trouve pas les journalistes, ils en font trop. Non, mais je vois pas le rapport avec l'affaire Bill Clinton. C'est parce que Monica Lewinsky, c'est une belle jument. Ouais, d'accord. Point d'interrogation pour finir. Je pense qu'ils en font un peu trop, parce que quand tu vois un peu qu'ils en parlent tout le temps à la radio, même à la télé, tu t'allumes ton poste, t'entends que ça, je crois qu'ils en font quand même un peu trop. Hein. Parce qu'en fait, ils sont jaloux, Gérard, c'est pour ça. Qui là, c'est Gicleur qui parle. Oui. Et qui m'a pas posé la question. Ben, donc, j'ai quand même te répondre. Moi, je pense que les journalistes sont jaloux, toi, parce qu'en fait, ils pensaient que président des États-Unis, c'est un métier qui était dur, toi, qui était sérieux. Ben, en fait, ils voient que ben, le président, c'est pas un petit jeu, hein, tu vois, c'est, ils sont jaloux, quoi. Toi, ils ont bien voulu aller à l'école pour faire président. Donc moi, je peux vous répondre là-dessus. Je pense que les journalistes en font un petit peu de trop, parce que on parle trop de cette histoire-là, comme l'affaire Titanic. Non, pas l'affaire du Titanic, l'affaire de l'histoire là avec l'affaire des Russes. Non. Le paquebot qui a coulé. Non, mais attends, toi, je suis premier de la fermer pour dire tes conneries. Non, c'est pas la peine de le rallumer. Ah, pour la Formule 1, là, non. Schumacher qui change d'écurie, non. Je t'ai dit d'éteindre ton micro, d'accord. Le débat, Gérard. Non, mais c'est bon, ils peuvent allumer. Tu parlais de quoi, là? Tu parlais du tiercé, là, du... La nana, là, l'histoire des policiers, là, puis du chauffeur de taxi, là, je pense... Ah, du taxi, Vanessa Paradis. Non, c'est pas le taxi, c'est le chômage. Oh là là, bon, enfin bref, Gérard, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Non, moi, je pense que cette histoire, pour moi, c'est de... C'est des conneries, et il faut mieux de laisser ça. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, c'est leur problème. Bon, maintenant, il n'y a qu'une chose que je peux dire, c'est que... C'est clair, c'est pas des conneries, le Titanic a bien coulé. Bien sûr, il y a des preuves, hein. Et ta 205, elle a bien coulé, et toi, t'as ton espèce de nana, elle a pas coulé encore. Pardon? Ouais, 2, à 3, on saute, à 4, on recommence. Oh là là là! Applaudissements! Donc, moi, personnellement, c'est une histoire que je suivrai pas parce que ça me prend la tête et j'en ai ras-le-bol d'en entendre parler. C'est toi qui en parles, là. Pourquoi tu lances un débat alors? Parce que je fais un débat, c'est le premier des débats de la saison. Donc, je fais un débat là. C'est la conjoncture des débats qui vont finir à la Nanigna. Donc, voilà. Conclusion. Conclusion, alors très rapide. Vite fait, crevette. Ouais, conclusion. Bah écoute, j'en ai appris beaucoup. Ouais, c'est et bon. Et puis. On prend une bonne claque avec toi. Non, c'est vrai, ouais. Et puis, bah, j'espère que tu vas continuer à nous informer quand même sur l'affaire, mais si ça t'intéresse pas. Bah, il y a France Info, puis il y a Gérard le jeudi. Voilà. Non, mais vous avez d'autres chaînes de télé pour vous informer comme moi. Non, mais je préfère vous informer. Vous savez, Gicleur. Ouais, bah écoute, moi je pense là quand même, c'est vrai, j'ai un petit appris contre moi. La conclusion, bah c'est que finalement, si bien tu fais sucer, que Clinton, bah il a bien raison. D'accord, bah en toi, tu préfères aller te faire sucer. Non, ouais, c'est une proposition, mais non, voilà. C'était la conclusion, fait répondre. Point d'interrogation. Alors ma conclusion, c'est qu'ils arrêtent un peu d'harceler les stars comme ça, parce que c'est vraiment chiant. Dès que tu vois, tu peux même pas aller quelque part, t'as les journalistes qui sont autour de toi, c'est un peu embêtant quand même. Ok. Ça fait tout à l'heure de paravent quand il pleut, hein. Point d'interrogation, t'es encore là? Non, elle est partie. Oui, je suis là. Ouais. Non, mais on vient de te poser une question. Non, mais c'est pas grave, c'était juste un commentaire que je faisais, c'est pas une question. Faut pas confondre les questions, les réponses et les affirmations. D'accord. Tétard? Ouais, ben moi en conclusion, ce que j'aurais voulu savoir, c'est déjà si elle s'était lavé les dents, les Winky, là. Et je voudrais que tu me racontes vite fait l'histoire entre Gérard Clinton et Christine. Comment? C'est vrai que tu nous racontes la jolie histoire de Gérard Clinton et Christine Lewinsky. Bon, alors, c'est tard. Oui. Tu te mets un gros doigt. Christine, c'est l'ex de Gérard pour les études. Tu te mets un gros doigt quelque part et. Tiens, dans le cul, par exemple, pas là. Un gros doigt où que je pense. Et bonne nuit à toi. C'est pas ma faute, Gérard. Ma mère, c'était une chanteuse. Hop. Serpillière. Non, moi, je pense que Monica Lewinsky, elle a même sucé Richard Dixon. D'accord, alors toi t'as rien compris. Coussin d'air pour finir. Ah ben écoute, moi j'ai trouvé le débat vraiment très intéressant, sauf que je regrette vraiment qu'on n'ait pas parlé plus longtemps de Francky Vincent du CRP. D'accord. Là, okay. Je veux juste te dire petite parenthèse par contre là, Coussin d'air qui est en Guadeloupe. Toi tu es en ce moment, tu es là avec nous? Oui. Et donc là, en ce moment, toi, tu es en direct en France. On rappelle que toi, ce que tu es en train de faire en ce moment avec Gérard, c'est donc diffusé dans 15 jours, c'est ça? Oui, absolument, c'est ça. Avec le décalage horaire, justement, et ça nous amène justement au prochain débat, Gérard. Décalage horaire. Voilà. Donc, moi, je réponds quand même... Oui, la conclusion de Gérard, bien sûr, sur son donc, débat. Donc, sur cette conclusion-là, c'est dommage qu'on n'ait pas pu aller plus loin, parce qu'il y avait d'autres questions qui étaient intéressantes. Bon, c'est que c'est sûr qu'il y a les histoires de cassettes vidéo. Je pense que j'espère qu'ils vont en faire bon usage pour les aides humanitaires. Mettre en location. Ah pardon. Non, pour les aides humanitaires, ouais. C'est-à-dire surtout à New York, parce que même là où c'est vendu. Donc j'espère qu'ils vont pas avoir bonne conclusion sur cette vente. On rappelle que t'étais à New York quand même, donc tu sais de quoi tu parles. Hein. Voilà, parce que là-bas, c'est faut dire que c'est un pays très chaud. C'est comme une ville qui a plus qu'à sauter sur toi, vu que tu as passé quand même près de 48 heures. Non, 72. Ah, donc tu maîtrises bien le sujet de New York. Hein. Donc, conclusion. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas pu y aller plus loin. Est-ce que tu trouves que ce genre de problème comme ça, ce problème, est-ce que tu crois que ça mérite un débat? Ben, disons, j'ai voulu réagir là-dessus parce qu'on en parle tellement, c'est que j'aurais préféré éviter d'en parler. Ouais. Bon, t'as voulu qu'on en parle, bon, ben, j'en ai parlé, mais malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'au bout.